السؤال الثالث ما يتعلق بالدروس عبر بالتوك وغيره، فظهر الآن أن كثيرا من الشباب أو بعض الشباب يدرسون عبر بالتوك وغيره، وقد يوجد هناك البعض منهم ما درسوا على المشايخ أو ما رحلوا لطلب العلم، ونجد في بعض هؤلاء الذين يدرسون بعض الكتب، وهذه الكتب من الشروحات وغيرها من الكتب قد تكون صعبة لدي الناس، فما نصيحتكم في ذلك يا شيخ؟ Donc, la question est que, actuellement, on retrouve plusieurs personnes, quelques ou plusieurs personnes qui donnent des cours. Et certains d'entre eux n'ont pas spécialement étudié chez des savants. Et on retrouve aussi que certains de ces personnes enseignent des livres qui sont d'un niveau assez élevé, voire élevé. Donc nous demandons à Chir de nous conseiller à ce sujet. Et sur ces courses, soit sur Paltok ou bien, c'est-à-dire que ce soit sur Paltok ou que ce soit dans n'importe quel endroit. أقول أولا كل علم له أصول وقواعد ينبني عليها، ولا يمكن أن يدرس إنسان أي علم حتى يعرف أصوله وقواعده من أهله المتخصصين فيه. وثانيا يجب على من أراد أن يعلم الناس دين الله ويفقههم فيه أن يدرس أولا على أهل العلم الراسخين في العلم الشرعي، فإذا درس عليهم زمنا وفهم قدرا جيدا من العلم أمكنه أن يدرس. أما أن يهجم على الكتب هجوما ولم يكن أخذ عن أهل العلم شيئا فهذا مخطئ، ونهاية أمره تجهيل الناس وعدم تفقيههم في دين الله، لأنه لم يحسن هذا العلم الشرعي الذي بدأ تعليمه الناس. Donc la réponse est que chaque science a ses bases et ses règles. Et que chaque personne qui désire en enseigner, qu'il sache qu'il est impossible d'enseigner ses bases, ses sciences, que s'il est passé par les gens qui lui enseignent, les gens qui sont donc spécialisés, c'est-à-dire les savants, afin de pouvoir enseigner ces sciences. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, il faut que celui qui veuille enseigner prenne la science de chez les savants. Et s'il n'a pas étudié chez eux, il a compris ces sciences, donc il va. Donc s'il a étudié chez eux et qu'il a compris ces sciences, il peut, dans ce cas, l'enseigner. Mais s'il n'a pas étudié chez eux et qu'il s'en prend à des livres, donc à ce moment-là, il lui est impossible de pouvoir enseigner comme il le faut. Il lui est impossible. Et Shir dit que qu'il sache que cette personne s'est trompée, que celui qui fait ça se trompe, et que le résultat, c'est qu'il va faire de ceux qui le suivent des ignorants, c'est-à-dire la tajilunnes, donc il va faire des gens qui le suivent des ignorants, et de ceux qui ne peuvent pas, c'est-à-dire justement qui n'auront pas compris justement cette science. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc on remercie tout ensemble Cheikh de nous avoir donné de son temps. Barakallahu fikum.